Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes vies. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Je vais m'en contenter d'être libre, de pouvoir s'inventer.